Tu es toutes les Maria mélancolies, celle qui donne, celle qui pardonne, celle qui toujours s'oublie. Devant ton café froid, qui veut de tes pourquoi, pourquoi, Maria mélancolie. Tu es toutes les Louises à la pluie, sous le quartier de lune ou sur le quai des brumes, déracinées, troublées, dans ton accent hésitant, les mots se brisent, mais ne font jamais semblant. Louisa, Louisa la pluie. En trouver les mots qu'il faut pour apaiser son cœur blessé. Amour, amour, fais-toi léger pour tous ces jours qui sont si lourds. Amour, amour, toi léger pour ce chagrin entre tes mains. Tu es toutes les Béatrices tristesse, celle qui court, celle qui s'entoure, qui n'attend plus son retour. Trop de promesses, d'aube qui blesse, dans la nuit de tous les jours. Béatrice, Béatrice tristesse. Amour, amour, fais-toi léger pour tous ces jours qui sont si lourds. Amour, amour, fais-toi léger pour celle qui danse à tes côtés. Mélancolie, mélancolie.